Cela n'a pas de rapport avec la terreur. Nous tendons nos pelouses, nous avons une maison trop petite. Et sur la cabine inhabitable, je peins des lignes verticales, noires et blanches. Tous les morts avaient de jolis prénoms. Tous les morts avaient de jolis prénoms. Là, le terrain est immense. Vos stèles coulent encore entre le béton des véhicules. Et le travail est concret. Nous tendons l'oreille aux pièces d'acier qui font les bruits sourds. Tous les morts avaient un joli prénom. Tous les morts. Nous sommes dessinés, nous tenons dans nos mains des cannes d'étain.